Attends. On va d'abord faire un petit exercice. Inspirez amplement. Et expirez en criant « Waouh !» Comme ça. « Waouh !» Ok, c'est bon. Allez, vas-y Nick, recommence. Je dis vas-y Nick parce qu'il s'appelle Chumslick Nick and the Sharks. Et la chanson s'appelle « Married to the Blues ». Ouais, moi aussi un peu dans un sens. Allez, vas-y Nick. Salut, vous écoutez audioblog.fr, de retour, c'est là qu'il faut y aller. Waouh ! Si on vous a fait passer ce fichier, et on a bien eu raison, le site est à audioblog.fr, c'est sur le site que vous pouvez réagir à ce que vous allez entendre et surtout retrouver la liste des adresses web en relation avec ce qui va suivre. Aujourd'hui, il va y avoir des avertissements, des scoops, des considérations perso sur la propriété des fichiers numériques et un aveu. Un truc vraiment troublant, scandaleux, dont j'ai même pas honte. Enfin si, un peu quand même. On commence donc par un avertissement dans la série « On vit une époque formidable ». Vous allez partir en vacances bientôt, et vous allez peut-être aller loin, et si c'est le cas, vous allez prendre l'avion. Comme la thune se fait rare, vous allez chercher le prix le plus bas, et peut-être tomber sur les offres d'une compagnie qui s'appelle Ryanair. Et bien à propos de Ryanair, je suis tombé, moi, sur un papier du quotidien anglais The Guardian, qui raconte qu'ils chassent les économies partout et à tel point qu'ils en sont à interdire à leurs équipages de recharger leur téléphone portable dans les avions. Je sais pas vous, mais moi personnellement, un zingue où tout est tiré au point que la charge d'un portable puisse être un problème, ça m'inspirerait pas trop confiance. Donc, si vous devez décoller avec Ryanair, comme il n'est pas sûr que vous atterrissiez avec Ryanair, prévoyez quand même un parachute. Voilà, c'est l'heure du scoop. Dans un de mes derniers fichiers audio et dans le cadre d'une grande entreprise de formation à la préservation des liens conjugaux, je vous avais passé une chanson d'un Américain qui s'appelle Matthew. Il a une jolie voix, il écrit de chouettes ballades. Eh bien ce Matthew, il m'a écrit à moi. Oui, oui, à moi. Il vit désormais à Paris, où il est en train d'enregistrer un disque, dans un style un peu différent à ce qu'il m'a dit. Ça veut donc dire, vénard auditeur, que si ça se trouve, lorsque Matthew sera chez nous une vedette, vous pourrez dire à vos copines en amourée que vous l'avez entendu avant tout le monde et que vous le connaissiez bien avant qu'il devienne une star. Donc là, normalement, elles vont se laisser aller lascivement dans vos bras et encore beaucoup plus tard, lorsque tous les deux, vous aurez pondu une abondante marmaille, vous pourrez raconter à vos mômes que la première fois que vous avez entendu Matthew, bien avant tout le monde, donc, c'était sur audioblog.fr. Elle est pas belle la vie. Ceci étant dit, ça m'a fait vachement plaisir de recevoir son mail. C'est lui qu'on entend là. Feels disingenuous, like sleight of hand. Well, I want my world to stay as is, instead of pulling our union apart. I crave the safety of your embrace. In a world of harm, oh, but nothing's that easy now. When love comes to call on the most sensitive boy in the world, and his runner-up as well. But now every hill that you climb, I will be there, walking behind you. Every tear that you cry, I will be at your side. I will kiss away the I can't begin to find a word that's strong enough to convey the mad and furious desire and the sweet disarray. Well, it's hard to imagine just what I was doing before you pulled the shade from my jaundiced eyes. I was living a lie. C'est pas mal, hein? Et puis c'est ma découverte à moi, en fait. Je suis le Mariti et Gilbert Carpentier des années 2000. On attaque les considérations personnelles de moi-même en personne. J'ai écrit il y a quelque temps une note sur une bagarre qui oppose Nikon et Adobe. L'histoire, c'est que Nikon a sorti récemment deux très haut de gamme, ils s'appellent D2X et D2HS, et donc ces deux appareils sont capables d'enregistrer au format RAW, et Nikon a, dans les fichiers RAW de ces deux appareils, encodé la valeur de valence des blancs. C'est-à-dire que pour aller la lire, eh bien, il faut craquer le code. C'est de la guéguerre commerciale de base. En fait, l'histoire, c'est que Nikon voudrait bien vendre son logiciel Nikon Capture, qui est très bien mais un peu cher, et ils ont les boules en voyant défiler les softs concurrents qui sont capables de convertir les fichiers RAW. Alors, ils commencent à y en avoir un certain nombre, et en tête, il y a Adobe, puisque Photoshop a une extension qui s'appelle Camera RAW et qui permet de convertir les fichiers RAW, donc. Cette histoire, au final, a fait un peu de bruit dans le landerneau technico-photographique, mais pas dans le bon sens. J'ai lu plein d'articles qui titraient des choses du genre « Le code des fichiers Nikon a été craqué ». Et ça, on s'en fout complètement. Bien sûr qu'il est craquable, c'est pas la question, ça. Et en outre, dans cette histoire, personne n'est ultra clair, il n'y a pas vraiment de gentil et de méchant. Je voudrais pas qu'il y ait de malentendu sur la note que j'ai écrite. Nikon, pour moi, a fait une connerie. Une connerie bête. Je doute fort qu'il l'ait fait consciemment. Nikon connaît trop bien les photographes et leur haut de gamme représente un tel enjeu qu'on peut guère imaginer qu'ils aient voulu sciemment coincer les photographes. Ça sent plutôt la connerie marketing. Les D2 de Nikon sont destinés aux photographes de presse et les photographes de presse, d'agence notamment, vivent surtout avec leurs archives. Donc laisser planer un doute sur la pérennité, on bafouille, de ces archives, ça serait suicidaire de la part de Nikon, et ça Nikon le sait très bien. C'est ce qui me fait dire que c'est plus une connerie marketing de leur part qu'un truc savamment calculé. De l'autre côté, Adobe a raison de glapir, mais eux-mêmes ne sont pas sans arrière-pensée. Au fond, si Adobe file la pétoche aux fabricants d'appareils photo, c'est que leur démarche est quand même un petit peu impressionnante. Adobe, d'abord, c'est en train de devenir le Microsoft de l'image. Ils viennent de racheter Macromedia. Donc maintenant, tout ce qui fait de l'image sérieuse, ça appartient à Adobe. Et au fond, leur stratégie, qui n'est pas idiote, elle tend à transformer les appareils en simples terminaux et à se placer, eux, avec leur logiciel, au centre de la création numérique. Ce qui est en train de se passer, le petit bouleversement qu'apporte la photo numérique, c'est que, à l'époque de l'argentique, la création était dispersée entre, d'un côté, les fabricants d'appareils, de l'autre côté, les fabricants de films, éventuellement même les fabricants de produits de développement de films, les fabricants de papier, de machines, etc. Donc chacun avait son petit morceau dans la création, donc tout ce petit monde vivait tranquillement. Avec le numérique, toute la partie créative, tout ce qui génère l'image, c'est son traitement. C'est lui qui est d'assez loin le plus important. Or, avec les fichiers RAW, le traitement n'est plus fait par l'appareil, il est fait sur l'ordinateur. Donc, dans la logique d'Adobe, les constructeurs fournissent des terminaux de capture qui, au fond, du coup, sont pas hyper importants. Et l'image elle-même est créée dans la suite CS, Photoshop, etc. Et ce qui est d'ailleurs une approche assez intelligente. Sauf que ça file la pétoche aux fabricants, c'est bien normal. Donc, à retenir de cette histoire, c'est que le fait que le code des fichiers RAW des deux gros Nikon ait été craqué, on s'en fout complètement. Mais il y a deux choses importantes. La première, importante pour moi bien sûr, mais ce qui est important pour moi est important pour le monde entier. La première, c'est que il me paraît fondamental que la guéguerre commerciale qui oppose les fabricants d'appareils et les éditeurs de logiciels ne prenne pas les photographes en otage. Ça paraît évident, mais apparemment, c'est pas plus mal de le préciser. Et la seconde, elle est très importante en arrière-plan, c'est qu'il soit clair, et je suis pas sûr que ça le soit aujourd'hui, que le contenu des fichiers capturés avec un appareil appartient au photographe qui a le droit d'en faire ce qu'il veut avec l'outil qu'il veut et pas au fabricant de l'appareil. Ça me paraît fondamental. Ça rejoint d'ailleurs tout à fait les histoires de DRM dans la musique. Les DRM, c'est les petits systèmes de gestion des droits qui sont attachés aux fichiers musicaux et qui décident de ce que vous pouvez faire de ces fichiers musicaux. Ces DRM qui font que si j'achète aujourd'hui donc un fichier musical, je peux pas l'utiliser sur ce que je veux puisqu'on me limite le nombre de copies ou de gravures, et ça c'est un scandale. Avec la vague numérique, en tant qu'utilisateur, je perds de plus en plus la propriété sur ce que j'achète ou ce que je crée pour glisser en douce, sans que ça soit vraiment dit, dans un système de location. Et ce principe, je le trouve détestable. On me fait payer en fait une utilisation, mais on ne me fait pas payer vraiment la propriété du fichier. Et ça, c'est pas tout à fait normal. J'espère qu'un jour, les différents utilisateurs des différents bidules numériques finiront par rouspéter ensemble, et ce qui arrive avec cette histoire Nikon-Adobe illustre bien que photo et musique, même combat, pour ce qui est du droit de l'utilisateur et ou du créateur. Bon, pour se décontracter le neurone, on va se faire un petit rock. Le groupe s'appelle Monday Morning et la chanson Vanity. My thoughts and fears overcome my mind. I find that there's no easy way to run from everything that's haunting me. I'm looking in the mirror for a smile. Nothing is returned, no matter how hard I try. Will this be the last time I look in the mirror at all? Will I say goodbye? Nothing in it, I built for myself, and why I let it fall apart again. Looking in the mirror for a smile, nothing is returned, no matter how hard I try. Could this be the last time I look for you? At all, will I say goodbye? sur une note plus légère. J'ai parlé tout à l'heure en intro de briser un tabou, il y a un peu de ça. J'ai parmi les visiteurs de mon site une énorme majorité d'amateurs photos, c'est normal, je suis moi-même ancien photographe, je m'étais dans une autre vie occupé d'un magazine photo, et depuis la semaine dernière, je m'occupe d'un autre magazine photo qui s'appelle Micro Photo Vidéo. C'est un magazine photo grand public qui parle de photo numérique, et donc je devrais, en tant que semi-puriste, cracher sur les téléphones portables, or je suis en train de tomber sous leur charme. Je viens de passer 3 semaines avec un téléphone photo, un Nokia 6630, dont j'ai beaucoup parlé sur le site, et la morale de cette histoire, c'est que ce genre d'engin peut être un vrai outil créatif, pas un outil comme un appareil photo, on fait pas les mêmes images avec, elles n'ont ni la même qualité, ni la même taille, ni les mêmes possibilités, mais il n'empêche, exactement comme il y a quelques années, les gens faisaient des trucs super avec des Polaroids, ou actuellement, il y en a qui font des trucs pas mal avec des Lomos, des petits appareils russes en plastique vendus honteusement cher, d'ailleurs, soit dit en passant, qui ont une qualité absolument épouvantable, mais qui peuvent permettre de donner des résultats intéressants. Eh bien, les téléphones peuvent être des outils qui ne sont pas moins intéressants. J'ai ouvert une micro-galerie sur le site que je vais essayer de compléter au fur et à mesure que j'arrive à me faire prêter des téléphones. Mais si le vôtre fait des photos, je vous engage à le regarder sous un œil nouveau, il y a vraiment des trucs à faire, à condition d'oublier la comparaison avec votre appareil. Après ces 3 semaines d'ailleurs passées avec le petit Nokia, j'en suis même arrivé à penser que les fabricants d'appareils photo ont des leçons à prendre des téléphones, notamment côté ergonomie. Si pendant ces 3 semaines, je m'étais baladé avec un petit compact numérique, j'aurais pas fait la moitié des photos que j'ai fait avec le Nokia, et il y a 2 raisons à ça. La première, elle est ergonomique. Les compacts se tiennent très mal, pincés entre le pouce et l'index, et on déclenche avec l'index. C'est un héritage des designs de la photo argentique. Et c'est tout sauf pratique. Sur le téléphone que j'avais, on tient un peu comme une carte à jouer, et on déclenche avec le pouce. Ça peut paraître bizarre comme ça au début, mais c'est vraiment beaucoup plus naturel. Par ailleurs, on le tient de manière beaucoup plus stable. Et le deuxième aspect, il est psychologique. L'aspect anodin de ce téléphone m'a fait penser à des sensations que j'avais éprouvées il y a hyper longtemps avec, petite parenthèse, merci aux puristes de ranger les couteaux et les battes de baseball et de ne pas taper, avec donc un Rolleiflex. Le Rolleiflex, c'est un 6-6 bi-objectif avec lequel on vise par-dessus et qui avait comme avantage énorme lorsqu'on photographie des gens, lorsqu'on fait des portraits, que son côté un peu désuet, un peu vieux machin, et puis le fait qu'en regardant par-dessus, on peut regarder le sujet, permet de capter des moments, des expressions qu'on aurait eu du mal à avoir avec un réflexe qui se tient comme un fusil et qui est donc beaucoup plus menaçant. Dans un sens, d'ailleurs, le succès des Leica télémétriques pour tous les reportages humains tient aussi à ça. Le Leica, c'est un appareil qui se voit pas beaucoup et qui permet de faire des trucs assez sympas sans vraiment choquer les gens qu'on est en train de photographier. Et ben dans un sens, on retrouve un peu ce truc-là avec le téléphone qui fait assez gadget, bidule, anodin, et qui donc permet de choper des petits moments comme ça, des trucs assez sympas qu'on n'aurait pas forcément pu avoir avec un appareil photo. Et je ne serais pas surpris que d'ici quelques temps, on voit des artistes, des plasticiens, des photographes commencer à s'intéresser à ce genre d'outils. Donc si vous voulez faire précurseur aujourd'hui, ben, commencez à le regarder différemment et puis vous pourrez dire comme ça, j'y étais. Voilà, c'était ma petite ode au téléphone photo. Si vous avez des trucs sympas d'ailleurs, faites avec un téléphone, essayez de me les envoyer si elles me plaisent bien, parce que moi je suis un peu terroriste là-dessus, ben, je les publierai sur le site. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on a commencé avec un blues. On va se quitter sur un autre blues, il s'appelle Joe White, il est du Tennessee et le morceau s'appelle I Won't Go Back. Allez, salut! Howling for your mama. let me tell you, boy, said it won't be too much fun. And I come back and say, like a slave, I've been worked since the day of my birth. Round here, there's nothing left to lose. I could be broken like a stone. Of sorrow. I live in darkness now, hiding from the dawn. Yeah, I'm no devil, but I take the blame for some things. Lord knows that no one deserves these cards I've drawn. I keep a letter in my pocket, saying if say.